Tu as du mal à conserver une trace du temps qui s'écoule. C'est d'autant plus difficile que la forêt t'entoure, la forêt des mille veaux. Le monde est tombé en ruine. La forêt envahit tout. L'oubli te ronge. L'égrégore donne corps à tes peurs. L'emprise transforme tout. Les horla se tiennent tapis près de toi. T'es donc malaisé, de conserver un souvenir précis de l'écoulement des jours et des nuits. Et pourtant, tu t'y astreins. C'est un conseil que t'as donné, tu ne sais plus qui. Te souviens-tu de tes parents, Léo? Tu t'en souviens plus, mais tu te souviens qu'il y a eu des grands autour de toi, qui parfois t'ont conseillé, ou des amis qui t'ont accompagné. Comme ton ami Léonard Do, le brave Renardo qui parfois te conseille, parfois te dispute, parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Mais il est une chose que quelqu'un t'a dit ou quelqu'une, tu ne sais plus. Mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel est d'avoir retenu que il est important de se remémorer régulièrement des choses et de compter. Compter est important. Savoir compter est essentiel. Et toi, tu sais compter? Oui. Compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tu sais compter 7, jusque 8, 30? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Sais-tu 19, seulement 20. compter jusque 30, te dirait ton ami Léonard? Bien plus. Bien plus encore. Alors, tu sais compter le nombre de mois de jours qu'il y a dans un mois. Nous sommes le 26 de merdier. Le 26 de merdier, c'est normalement une saison de froidure et d'épreuves où il n'y a plus rien à manger. Le précédent mois de merdier, ton ami Léonard n'était pas avec toi puisque c'est un renardeau. Mais là, aujourd'hui, il ne fait pas froid, il fait chaud pour un 26 de merdier. Il fait chaud et alentour, les aulnes, ces grands arbres qui semblent tendre leurs griffes vers le ciel, sont agités par les souffles du vent qui dissipent les nuages. Lorsque les nuages se dissipent, on pourrait s'attendre en merdier à avoir froid, très froid. Mais il n'en est rien. Tu n'as pas froid. Tu as chaud. Tu as même ôté ton gros manteau parce que tu avais trop chaud. Tu étais en nage. Et ton ami Renardo a été à plusieurs reprises lapé avidement dans les flaques d'eau, un peu de fraîcheur. Il halète. Ce qui fait chaud. On se dirait au printemps. Le temps est déréglé. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Et donc, on se dirait, on se croirait, mais pénétré par l'idée que nous serions un 26 de marche Et tu as bien marché. Tu as tellement marché que tu t'es égaré. Au-delà des collines, tu as franchi un petit rue où l'eau ardente bouillonnait de toutes ses forces pour s'écouler dans la vallée où tu te trouves désormais. Et le rue a rejoint une rivière plus importante, une grande rivière qui balafre la vallée. Autour d'elle, des roseaux denses forment la berge, et là où tu te trouves désormais, depuis le début de la matinée, des amas, des décombres, des bâtiments du temps jadis. C'est étrange, car il n'y a aucun cri, sinon celui, le bourdonnement de quelques petits insectes. Le vent a soufflé tout son souffle et a tout dispersé. Tu n'as croisé aucun sanglier, tu n'as vu aucune trace. Ici, tout semble mort dans ces décombres. Tu sembles avec ton ami seul au monde. S'il n'y avait ces petits papillons qui voltent, et tu es très fatigué par la marche de ta journée. Tu as marché par monts et par veaux. Tu as franchi une rivière ou deux, tu ne sais plus. Combien de rivières as-tu franchi? L'ignores-tu, Léo? Je ne me suis pas amusé à compter. Tu n'as pas compté? Il faut toujours compter. Souviens-t'en, tu dois compter. Il y a un pouvoir à compter. Un pouvoir à conjurer l'oubli. C'est ce que t'a dit quelqu'un. Et c'est ce que te répète Renardo. Il te le dit pour que tu t'en souviennes. Et... Mais Renardo ne peut pas me parler vu que c'est un renard. Il ne te parle pas. Mais si, pourtant. C'est étrange. Aujourd'hui, il te parle. Il t'a parlé à de nombreuses reprises. N'êtes-vous pas liés tous deux? Si, c'est vrai. Alors si vous êtes liés, vous pouvez converser. Et ce serait fort agréable de pouvoir converser avec un renardeau. Je suis bien d'accord. Mais est-ce la première fois que tu converses avec renardeau? Non. Bah alors, pourquoi me disais-tu que tu... ton renardo ne pouvait parler avec toi? Logiquement, les animaux ne parlent pas. D'habitude, c'est toi qui parles et qui fais la conversation pour les deux? Oui. Et là, tout surpris, tu l'entends te répondre de sa petite voix aiguë? C'est un jour singulier que celui-ci, ce 26e jour de merdier. Ouais. Vous êtes fatigué, harassé par la chaleur accumulée en vos corps de cette longue marche, et vous cherchez un endroit pour vous reposer. Il y a ces grands aulnes, mais au pied de ceux-ci, il y a ces fruits, les fruits d'aulnes, ces petites billes d'un marron légèrement orangé. Ne te rappelle-t-il pas ta bille si précieuse? Si. Tu cherches ta bille un moment parmi les fruits d'aulne sans pour autant la trouver. Ce serait si gentil que quelqu'un l'eût s'abandonner ici au pied des aulnes, là où il fait frais sous le vent, et pourtant il n'en est rien. Pas de traces de billes, juste des fruits d'aulne. Et ça se mange même pas. Renardo a essayé, c'est pas bon. Alors, vous allez un peu plus loin, vous dépassez un mur, un mur à demi effondré qui vous cache un peu la vue de l'un des méandres du petit rue que tu as traversé, ce te semble, auparavant dans la journée. Et sur la berge, auprès de la berge, parmi les roseaux, poussent de grands saules, des saules majestueux. Et au pied de ces saules, il n'y a qu'une herbe drue par endroits, des massettes, ces gros roseaux avec des plumeaux orangés. La teinte te rappelle quoi donc ? Ma bille. Ta bille ? Mais pourtant ta bille est sphérique et là ces massettes forment, comme leur nom l'indique ou le suggère, des espèces de massues, mais toutes gentilles, toutes duveteuses. On pourrait caresser sa joue et ton ami Renardo se frotte contre les herbes avec plaisir. C'est calme. S'il n'y avait ce vent qui soufflait au loin, mais vous êtes derrière ce muret effondré. Il y a des mots inscrits sur les murs, mais tu as oublié toutes tes lettres et tous tes mots. Tu sais encore compter ? On t'a appris à compter. Et quelqu'un t'a dit, si tu comptes tous les cadavres que tu trouves sur ta route, alors tu conjureras l'oubli pour quelques jours. Est-ce que tu es de ceux qui suivent les adages de la sorte ? Ou as-tu encombré ton esprit d'une vilaine phrase qu'il te faudra chasser à la nuit venue ? Non. Et que pourrais-tu trouver à compter comme mort, puisqu'il n'y a aucun sanglier, aucune biche à l'horizon ? Pas de traces de mammifères de quelque sorte. Aucun. En revanche, tu as vu des insectes. Et là, entre les racines noueuses du saule, dans la terre grasse, gorgée d'eau, les eaux des jours précédents, car merdier, comme son nom l'indique, est un mois pluvieux, donc il pleut intensément un merdier. Et là, donc, sur l'une des vieilles branches qu'a abandonné le saule sous lequel tu te trouves, sous l'ombrage duquel tu goûtes un peu de fraîcheur, et où tu sens décroître la chaleur qui avait monté tout ce jour en toi, mais était-ce bien dès le départ du jour ou était-ce l'effort seulement ? Tes chairs sont... Ta peau est devenue rouge, il y a des plaques sur ta peau. Tu n'as pas à l'accoutumée des plaques rouges. Ta peau est toute irritée comme si plein de moustiques t'avaient piqué toute la nuit durant. Mais ça ne te gratte pas, ça ne te démange pas. Ça doit être la chaleur. La chaleur inaccoutumée pour un 26 de merdier. Et la chaleur est partout au-delà du mur. Là où vous avez pu, avec ton ami Renardo, vous promener. Là, il y a une mousse toute douce. De la sphaigne épaisse qui pousse sur l'écorce et sur les souches qu'a abandonné le vieux saule au sol. Et sur ces souches, il y a des feuilles qui remontent à l'automne précédent, des feuilles toutes rousses, oranges, vertes. Certaines sont devenues bleues ou noires. Elles sont entrées en décomposition, elles se mêlent à la tour du sol. Et tu vois courir quelques fourmis et un gros lombric qui se faufile et quitte la mousse toute douce pour s'éloigner vers le tapis de feuilles. Dans sa direction, tu vois approcher un gros escargot de la taille de ta main fermée, de ton poing fermé. Un gros escargot à la coquille noire et blanche. Je le montre à... La Renardeau qui s'approche, hume. L'escargot darde sa tête. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Mais ta fourrure, il est à moi. Le lombric est à moi. Renardeau te regarde interdit, il s'est dressé sur ses pattes arrière, inquiet de voir l'escargot lui parler ainsi. L'escargot a le corps noir, strié de gris. Il a de petits yeux pédonculés et une espèce d'opercule jaunâtre rond. Qui forme sa bouche. Cet opercule s'est ouvert, s'est agité, s'est déformé pour former des lèvres. S'est arrêté. Et il se saisit du lombric. L'avale d'un trait. Il est à moi, ce lombric. Je vois ça. Aurais-tu des lombrics à m'offrir ? Non, désolé. Et toi, le poilu ? Les lombrics que je trouve sont pour moi. C'est naturel. Tu pourrais être plus gentil que cela. Et me quérir des lombrics, ça me gagnerait du temps. Cet escargot a raison. Ton ami Renardeau d'Audeline du Chef, quelque peu mécontent de se voir contredit par son maître. Il ne sera pas dit que je ne ferai pas tout pour te complaire, Léo. Je vais donc chercher, fouiller ces décombres à la recherche. Je t'accompagne. Et tu cherches des lombrics pour ton nouvel ami l'escargot ? À côté de mon ami. Renardeau ? Oui. Leonardo. Avec Leonardo, vous débusquez quelques lombrics dans les feuilles sur la berge. Avec un bâton, tu creuses un petit peu la terre et tu trouves de nombreux lombrics. Tu les ramènes à l'escargot. Oh, il en fait un festin, il se régale, il en bave d'aise. Il est aux anges. C'est gentil à toi, Léo. Merci. Ta gentillesse te perdra. Leonardo m'a aidé. C'est Leonardo qui a dit cela. Il est dangereux de se laisser convaincre comme ça par un inconnu, mais ta vie, hein ? Tu ne sais pas combien de lombrics il aura aussi. Hein ? Et à force de manger tant de lombrics, il va finir par nous dévorer nous aussi. Ne crois-tu pas, maître ? Si. À mon tour de vous offrir quelque chose, petits amis. Et il entreprend d'une reptation qu'il juge véloce, mais que vous trouvez lente, surtout au rythme de ton ami Renardeau, qui bondit de buisson en buisson, puis revient sur ses pas pour voir où a progressé votre ami l'escargot. Mais il vous guide peu à peu vers une espèce de mare. Et il dit, là, l'eau est pure et qui en boit se voit attacher la couleur orange qui fixe à jamais les mots et la voix. Buvez-en, mes amis, et vous serez alors récompensés. Vous pourrez à tout jamais deviser gaiement tous les deux dans l'idiome qu'il vous plaira. Toi aussi, bois-en. Mais j'en bois tous les jours. Que cette eau est goulayante. Bois-tu de l'eau avec... Oui. Si mon compagnon s'y met, je m'y mets. Renardo reste sur la berge, te regarde. Après vous, mon maître. Je ricane. Et tu bois ? Tu sens que cette eau est particulière. Lorsque tu la places dans ta main, la chaleur qui peu à peu s'était dissipée revient. Elle revient dans ta main. L'eau est certes claire, mais elle est chaude, elle est tiède. Bois-tu ? Non. Je dis, elle a l'air trop chaude. Elle est chaude parce qu'elle est chargée du prodige qui vous permettra de conserver votre voix, mes petits amis, dit l'escargot. Vas-y en premier, Leonardo. Je le caresse. L'eau est grasse, maître. Mais puisqu'il en... Vous m'en avez donné l'ordre, je lape. Bois-tu ? Ouais. À sa suite. Oui. Et c'est ainsi que, effectivement, vous serez liés, que vos voix seront liées par la puissance de cette eau. Nous arrivons dans la dernière phase de la journée. Et là, il te faut à nouveau lancer un dé, Xavier. Léo, avoir bu à l'eau offerte par cet escargot sera-t-elle sans effet ? Est-ce que ta gentillesse, ton amour de ton compagnon Leonardo, auquel tu es tant lié, t'aura égaré, ou l'eau a-t-elle d'autres effets? Je pense que l'eau fera ce que nous a dit notre ami. L'escargot et rien d'autre? Rien d'autre. Rien d'autre. Pourtant, tu as un fort mal de crâne et tu as à peine à déterminer comment tu quittes les décombres, ce vaste complexe de béton, ces grands silos de béton qui se dressent tels des arbres dans le ciel balayé par le vent. Tu entends... Est-ce le vent qui te susurre cela, ou est-ce un souvenir plus présent ? Est-ce l'escargot qui te l'a dit, ou quelqu'un qui était présent ? C'était l'escargot. Il a modelé une créature de sang et de fumée pour rappeler la chair à lui lors des journées d'ennui. Fin de notre épisode 2. Alors, qu'en as-tu pensé ? J'ai vraiment bien aimé. Ça t'a plu ? Beaucoup. Est-ce que le fait d'avoir conçu ton personnage au travers des procédures que propose Thomas Meunier t'a convenu ? Ouais. Le définir par des phrases ? C'était un petit peu difficile de trouver les idées, mais finalement, ça avait son intérêt pour raconter l'histoire ? Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans ta journée, que tu as exploré un lieu ? Ouais. J'ai eu l'impression d'être avec un renard. D'accord. Donc ça t'a plu ? Ouais. Est-ce que tu voudras jouer la deuxième journée, une autre fois ? Oui. Très bien. Ben, je te remercie d'avoir découvert le jeu avec moi. La saucisse.